Le verbe essayer se dit Versuchen. Versuchen, oui. Et suchen, c'est chercher, rechercher. Ich suche es, je le cherche. Lorsqu'on plonge dans le passé de suchen, on trouve la forme gesucht. Alors, comment dira-t-on je l'ai cherché? Ich habe es gesucht. Gesucht. Ich habe es gesucht. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce qu'on peut traduire en allemand par « mais je ne pouvais pas le trouver ». Aber ich ne pouvais pas. Ich konnte. Bien. Konnte est correct. Ich konnte. Aber ich konnte es nicht finden. Aber ich konnte es nicht finden. Lorsqu'on plonge dans le passé de suchen, chercher, on trouve donc gesucht. Mais essayer se dit versuchen. Versuchen. Ce n'est pas versuchen, mais versuchen. J'insiste sur ce point, car à l'oral, il ne faut jamais mettre l'accent sur le préfixe ver. Ver, qui s'écrit V-E-R, n'est pas un préfixe séparable. On a donc versuchen. Ce n'est que lorsque vous insistez sur le préfixe que celui-ci se sépare du verbe. Par exemple, comment dit-on arriver? Ankommen. Ankommen. Oui, là, vous insistez bien sur an. La particule est suffisamment forte pour se détacher du verbe. Donc, j'arrive se dira ich komme an. Ich komme an. Voilà, le préfixe an est séparé de komme.